Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour cette émission Mosaïque. Alors, une mosaïque de choses diverses et variées, de musique et de chansons, bien sûr. Alors, ce soir, eh bien, je vous propose la revue de presse, comme d'habitude, hein. Et puis, le calendrier du 17 octobre 1961, massacre qui a eu lieu à Paris. Était préfet de Paris un certain monsieur Papon, qui avait déjà fait des siennes sous l'occupation du temps de Pétain, qui a fait parler de lui déjà donc à différentes reprises et de façon pas très flatteuse pour lui et pour le pays, qui tolérait la présence d'un individu comme celui-là. Adrien Quatennens de la France Insoumise nous dira « Le chômage tue ». Le chômage tue. En moins de 2 minutes, il va nous expliquer ce que le chômage crée comme situation en France. Parce que le chômage, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. C'est le problème de la France, le problème du monde actuellement, le chômage. Si on arrive à résoudre la question du chômage, eh bien, il y a plein de questions qui seraient, il y a plein de problèmes qui seraient résolus. Plein de problèmes. Le chômage tue 14 000 personnes par an, je crois. 14 000 personnes sont tuées, meurent à cause du chômage tous les ans. Hein, vous rendez compte un peu? On peut être fier d'être français, hein, d'avoir voté pour Macron et pour ceux qui ont précédé. Hein. Ah oui, on peut être fier. Alors là, il faut frimer. Hein. Oh bah tiens. Alors ensuite, bien, il y aura Jean-Luc Mélenchon qui nous parlera de l'Équateur, de différents sujets de politique internationale et notamment aussi de la guerre en Syrie. Ensuite, pour rire un peu, un petit cours de chinois, 3 minutes, les mots principaux qu'il faut connaître si on va en voyageant en Chine, hein, parce que si on va manger dans un restaurant chinois en France, il n'y a pas besoin, ils parlent tous français, hein, enfin presque, ou à peu près. Et puis, il sera question aussi du Brésil, hein, Lula da Silva, alors qui nous explique qu'il a été interviewé par une journaliste française il y a quelque temps. Et puis, il a été libéré depuis. Eh oui, il a été libéré. Lula da Silva, quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Il nous faudrait un homme politique comme ça en France. Mais on en a aussi des Lula da Silva. Hein, il ne s'appelle pas comme ça, mais voilà. Alors aussi, le média, Macron, Le Pen, le couple infernal. Voilà. Alors, malgré tout ceci, je vous souhaite quand même une bonne soirée et puis une bonne semaine. À bientôt. revue de presse. Brésil, sorti de prison. L'ex-président Lula accueilli en héros dans son fief près de São Paulo. Des centaines de sympathisants de gauche vêtus de rouge ont accueilli samedi en héros près de São Paulo leur chef historique Lula. Au premier jour de sa liberté retrouvée, prêts à reprendre la lutte politique à ses côtés. À son arrivée, Lula, libre depuis moins de 24 heures, s'est livré à des embrassades chaleureuses avec de nombreux proches, des sympathisants et même des journalistes devant le siège des métallos de São Bernardo do Campo, dans la banlieue de la plus grande métropole du Brésil. Sortant de son silence, le président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro a demandé sur Twitter aux Brésiliens de ne pas donner de munitions à la canaille. Lula, qui dès sa sortie a fustigé très durement son gouvernement. Eh oui, il y a l'extrême droite et puis il y a la gauche. Lula, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Posé dans le bras, l'implant migre dans le poumon. Âgé de 31 ans, Olivia a dû subir une thoracotomie pour se faire ôter son implant contraceptif. L'association AVEP, basée alerte sur ce risque, mais constate que les professionnels de santé méconnaissent encore trop ce risque. Méconnaissent. Voyons. Où seront placées les 28 caméras à Épinal? D'ici la mi-décembre, un tiers des 28 caméras du système de vidéoprotection validé par la municipalité sera déployé dans une partie du centre-ville. Ce dernier sera complètement couvert par le dispositif d'ici 2020 et les images seront exploitées par la police nationale. Voilà. Alors attention avec qui, accompagné de qui vous marchez dans la rue, en vous tenant par la main, etc. Travailler pour participer à la grève du chômage national. Tiens, grève du chômage national. L'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée 88 a fait valoir son soutien pour la grève nationale du chômage en se mobilisant le temps d'un après-midi. Objectif, montrer qu'il y a beaucoup de travail pour pas assez d'emplois. Ben oui, du travail, il y en a plus qu'on ne pourra jamais en faire. Plus qu'on ne pourra jamais en faire. Regardez autour de vous, il y a plein de choses qui ne sont pas faites, qu'il faudrait faire et que l'on ne fait pas. Et malgré ça, il y a du chômage. Ah, c'est qu'on est mal organisé. Il faudra repenser l'organisation du travail quand même. Eh oui, parce que 6 millions de chômeurs, on se souvient que 6 millions de chômeurs en France en 2019, il y a eu 6 millions de chômeurs aussi en Allemagne en 1932, 33. Et en 33, Adolf Hitler a été élu pour 12 ans. Il a été mis au pouvoir, lui et les nazis, pour 12 ans. Et ça a fait une guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, entre 60 et 70 millions de morts. Parce qu'à 10 millions de morts près, on n'est pas sûr du chiffre exact. Alors, bien sûr que les Allemands, ils ont voté mal. Ben oui, ils ont voté mal parce qu'à cause du chômage et de la misère. Et voilà. Le chômage et la misère sont très mauvais conseillers. Avis aux amateurs. La Bresse, le bilan de la régie d'électricité inquiète les anciens administrateurs. Tiens donc. Bon, j'ai assisté à une visite il n'y a pas tellement longtemps de la station électrique de la Bresse, les choses n'avaient pas l'air d'aller trop mal. Le problème, c'était peut-être un peu le manque d'eau par moment, mais c'est pas un vrai problème. Ça peut peut-être s'arranger, qui sait. En Catalogne, le choc. L'Espagne élit dimanche ses Cortes, c'est-à-dire son assemblée, pour la quatrième fois en 4 ans. Son espoir de dégager une majorité de droite ou de gauche qui pourrait enfin dénouer la crise indépendantiste catalane. Ça y est, les élections ont eu lieu et la Catalogne est toujours de gauche et indépendantiste. Et puis l'Espagne, est de droite. Ben oui, l'Espagne, elle revient comme du temps de Franco un peu. Oh oui, assez facilement. La Castille, c'est des gens de droite, ça. François Ruffin, politique. François Ruffin, ou le Front Populaire Vert. Le député apparenté à la France Insoumise milite pour une alliance entre rouge et vert pour lutter contre le réchauffement climatique. À part chez les Insoumis, il trace sa route qui pourrait le mener loin. Eh oui, eh tiens, eh oui, on va peut-être voter pour lui bientôt, hein, François Ruffin, ou pour d'autres, et pour d'autres. Un procès en sorcellerie sorti de l'oubli par des passionnés. Cinq passionnés de paléographie se sont intéressés au procès du couple Lawson, accusé de sorcellerie en 1620. Les 103 feuillets du dossier juridique ont été retranscrits. Le résultat de leur travail représente un document de 200 pages et devrait être porté à la connaissance de la population. C'est à Fontenay, un petit village de 300-400 habitants, mais oui, il y a un club qui s'intéresse à l'histoire. Voilà, l'histoire de la sorcellerie. Et oui, rien à voir avec maintenant, avec aujourd'hui, hein. En 2019, il n'y aurait plus de procès de sorcellerie. Non, mais non, mais non. C'est pas possible. Maintenant, on est des Français évolués, voyons. Ah oui. 1940, où est passé l'or de la Banque de France? Point d'interrogation. L'encaisse d'or de la Banque de France atteignait 2230 tonnes. 2230 tonnes d'or à l'automne 1939. On conçoit la déception des Allemands qui ne purent que constater sa disparition en juin 1940. Ah oui, j'ai été déçu, bien sûr. Hein. Il faut savoir que dès les années 30, à mesure que la tension monte en Europe, la Banque de France imagine des plans d'évacuation de l'or. On craint des invasions ennemies, et on estime qu'il vaut mieux le répartir dans des lieux de conservation éloigné des frontières du nord-est et du sud-est, mais à proximité relative des ports. L'or toujours disponible en France permettra, si nécessaire, d'obtenir outre-Atlantique les armes et surtout les avions qui font défaut et qu'il faudra payer comptant. À la veille de ce que l'on qualifiera de drôle de guerre, entre guillemets, drôle de guerre, c'est une expression un peu imbécile, je ne sais pas qui a inventé ça, mais enfin bon, les autorités décident d'évacuer l'or. Un premier transport de 57 tonnes est fait le 19 janvier 1939 à destination de la Turquie. Puis le plus gros des stocks converge en train ou en bateau vers Brest. À partir du 14 novembre, les convois se succèdent à destination des États-Unis. L'or doit être mis en sécurité dans les coffres de la Federal Bank à New York. Mais la neutralité américaine impose un transit par le port canadien de Halifax, etc., etc. Voilà. Alors, autre histoire, une page complète dans le journal de télévision, vous savez, qui va avec Vosges Matin, qu'on reçoit le dimanche matin. Alors, une page complète, tout en jaune, fond jaune. Bon, il ne s'agit pas des gilets jaunes, non. Nucléaire, et oui, il y a encore du boulot. Il y a trois casques accrochés à machin, puis il y a un crochet où il n'y a pas de casque. La preuve, le nucléaire est une industrie d'avenir avec plus de 200 000 salariés qualifiés et plus de 7 000 recrutements par an. Alors ça, c'est les comptes ronds, 200 000 et 7 000. Ils auraient pu mettre le compte exact, peut-être pas à l'unité près, mais peut-être qu'on exagère un peu, peut-être que... Et si on voyait le nucléaire autrement, point d'interrogation. Alors, Orono, point groupe, slash idée reçue, hein. Voilà. Alors, Orano donnant toute sa valeur au nucléaire. Eh bien, tout simplement, c'est pas de l'information, c'est de la propagande. Propagande. Eh oui. Alors, autre chose, la situation sociale, exceptionnelle et évolutive, impose une analyse et des réactions à la hauteur des enjeux. Nous nous sommes souvent interrogés. Quand est-ce que ça va péter? Quand est-ce que ça va péter? Voilà enfin une réponse inattendue de surcroît avec ceux qu'on n'entend jamais, les laissés pour compte, les exclus, les précaires, les salariés méprisés, pauvres, les retraités, tous ceux qui n'ont jamais voix au chapitre. Nous pouvons sans hésiter qualifier le mouvement actuel de pré-révolutionnaire de par le contenu des objectifs qu'il porte. Donc le mouvement actuel est pré-révolutionnaire, qu'on se le dise, et qu'on agisse, et qu'on dise, et qu'on fasse. Pour cause de grève, demain, plusieurs associations, dont le MRAP, ont décidé de commémorer avec un jour d'avance l'un des événements les moins connus de la guerre d'Algérie. Les faits remontent au 17 octobre 1961, au quartier latin. Une manifestation de musulmans d'Algérie a été réprimée avec une incroyable violence par les forces de l'ordre. Bilan officiel selon le préfet de police de l'époque, Maurice Papon, 3 morts. Le bilan a été en réalité beaucoup plus lourd. En réalité, il y en a eu au minimum 200 et je pense que la réalité tourne probablement autour de 300. Des morts sous quelle forme ? Un grand nombre de morts par noyade, des morts tués par balles, des morts dans des lieux d'internement, notamment au palais des sports de la porte de Versailles, dans la cour de la préfecture de police, dans l'enceinte même de la préfecture de police. Au stade de Coubertin, on a tué des hommes dans des lieux d'internement ce jour-là. Les associations qui célèbrent ce soir ce sinistre anniversaire souhaitent ainsi lutter contre le racisme en rappelant l'existence du drame, un drame qui ne figure, c'est ce qu'elles soulignent, dans aucun manuel scolaire traitant de la guerre d'Algérie. Mesdames et messieurs, bonjour. Le procès Maurice Papon, l'audience d'hier fut en tout point très particulière car on peut dire que l'ancien ministre est véritablement entré dans son procès. « J'ai sauvé des juifs pendant l'occupation », a-t-il affirmé. Il s'est longuement exprimé sur sa carrière. L'ancien préfet de police de Paris a ainsi donné sa version sur la répression policière contre la manifestation du 17 octobre 61 au cours de laquelle 200 Algériens auraient été tués. Emmanuel Gagné, Joseph Tual, Christian de Carnet. Octobre 61, Maurice Papon, préfet de police de Paris, impose le couvre-feu à la population algérienne. Pour protester contre cette mesure d'exception, le FLN appelle à manifester. Le 17 octobre, 30 000 Algériens et leurs familles se rassemblent à Paris. En face, 10 000 hommes chargés de disperser la manifestation interdite. La répression policière sera impitoyable. Bilan officiel, 2 morts et 64 blessés. Pour le FLN, il y a plus de 200 tués. Hier à l'audience, Maurice Papon a parlé d'une vingtaine de victimes, des dissidents qui auraient été assassinés par des commandos du FLN. C'est une contre-vérité historique flagrante. Il faut aussi quand même tenir compte de la parole des témoins et des acteurs, ce que Maurice Papon évidemment oublie absolument de mentionner dans ses interventions, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de négation du fait historique sur le 17 octobre 61. Avocat du FLN pendant la guerre d'Algérie, Maître Oussedik va plus loin. Maurice Papon en 61, ce serait une répétition de l'histoire. On lui a imparti une mission bien précise, celle de casser le FLN dans la région parisienne. Et il a mis en place des méthodes qu'il avait certainement dû utiliser durant l'occupation. Semer la terreur au sein de l'immigration afin de la séparer de l'organisation. Que s'est-il exactement passé le 17 octobre 1961 ? Quelle est la responsabilité de Maurice Papon dans la répression policière ? Pour répondre à ces questions, il faudra attendre 2021. À cette date, les archives révéleront peut-être leur douloureux et tragique secret. Et ce procès est décidément l'occasion de revenir sur des événements historiques. 36 ans après les faits, la manifestation du 17 octobre 61 a été beaucoup évoquée. Une manifestation violemment réprimée qui avait causé la mort de 200 Algériens. À l'époque, Maurice Papon était préfet de police à Paris et le climat était particulièrement tendu dans la capitale. Emmanuel Gagné, Joseph Tual. Octobre 61, Maurice Papon, préfet de police de Paris, impose le couvre-feu. Pour protester contre cette mesure d'exception, le FLN appelle à manifester pacifiquement. Le 17 octobre, 30 000 Algériens et leurs familles se rassemblent dans les rues de Paris. Face à eux, 10 000 hommes chargés de disperser cette manifestation interdite. La répression policière sera sanglante. Bilan officiel, 2 morts, 64 blessés et des milliers d'interpellations. Hier à l'audience, Maurice Papon admettait que les victimes furent 10 fois plus nombreuses. Aujourd'hui, à la demande des parties civiles, Jean-Luc Enaudi, historien, est venu témoigner à la barre. Pour lui, Maurice Papon serait bien le responsable des violences policières. Maurice Papon, pour prendre un seul exemple, il y a eu ce jour-là un certain nombre de fausses nouvelles qui ont circulé sur les ondes de la police, faisant état de policiers qui venaient d'être tués par des Algériens, ce qui était absolument faux. Eh bien, le préfet de police n'a pris aucune initiative pour démentir ces fausses nouvelles qui ont contribué à exacerber la haine. Maurice Papon affirme qu'il n'a fait qu'obéir. Et d'après lui, les victimes du 17 octobre seraient des dissidents assassinés par les commandos du FLN. Mais pour cet avocat du mouvement nationaliste pendant la guerre d'Algérie, Maurice Papon, en 61, ce ne serait qu'une répétition de l'histoire. On lui a imparti une mission bien précise, celle de casser le FLN dans la région parisienne. Et il a mis en place des méthodes qu'il avait certainement dû utiliser durant l'occupation. Que s'est-il exactement passé le 17 octobre 61 ? Quelle est la responsabilité de Maurice Papon dans la répression policière ? Pour tenter de répondre à ces questions, Catherine Trottmann, ministre de la Culture, vient d'annoncer qu'elle demandait l'ouverture des archives. Le procès Papon avec un témoin prestigieux aujourd'hui à la barre puisqu'il s'agissait de l'ancien Premier ministre Pierre Messmer. Cité par la défense, c'est-à-dire par l'avocat de Maurice Papon, il a pourtant refusé de le soutenir. Il affirme aussi qu'il ne veut pas que la France soit rendue responsable des crimes de Vichy. Albert Ripamonti, Pierre Dick. Un gaulliste historique témoigne. Ministre des armées du général, premier ministre de Georges Pompidou, Pierre Messmer a côtoyé Maurice Papon à partir de 1958, quand celui-ci était préfet de police de Paris. Homme de devoir, Pierre Messmer est convoqué. Il vient. Je ne suis venu ni accuser ni défendre. Je suis cité à témoigner sous le serment et je n'ai pas l'habitude, quand je suis cité, de me dérober. À la barre, ce héros de la France libre ne se dérobe pas. Sans indulgence pour Vichy, ce pouvoir illégitime, sévère avec la préfectorale d'alors, beaucoup de ses membres, dit-il, auraient dû démissionner. Dans le box, Maurice Papon a l'air nerveux. Et Maître Varron intervient. Un jury d'honneur a reconnu sa qualité de résistant. Le témoin hésite, il est très difficile de répondre. Maître Varron insiste, en pure perte. Le compagnon du général de Gaulle n'est pas venu pour soutenir l'ancien préfet. Seul réconfort, à propos de la répression d'octobre 61, Pierre Messmer, au nom du gouvernement de l'époque, assume. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, Pierre Messmer va laisser éclater son courroux contre ce qu'il appelle les plus hautes autorités de l'État. Imputer à la France et aux Français la responsabilité des crimes de Vichy est intolérable. Et il se répète, le gaulliste de la première heure visait d'abord Jacques Chirac et sa déclaration au Veldiv en juillet 95. Et là, nous n'étions plus dans le procès Papon, mais dans celui de notre histoire. On peut s'en étonner, mais à l'occasion du procès de Maurice Papon, on ne parle donc pas seulement de son action pendant l'occupation. Les témoins évoquent, vous l'avez entendu, également son attitude pendant la guerre d'Algérie, et notamment lorsque, préfet de Paris, le 17 octobre 1961, il était en titre le responsable de la police à l'occasion de la tragique manifestation organisée par le FLN qui se termina dans un bain de sang. Philippe Boissery, Éric Lemasson. Jamais Mohamed Ouchik n'oubliera ce 17 octobre 1961. Il voulait manifester contre le couvre-feu imposé aux Algériens et pour l'Algérie indépendante. Responsable du FLN, il avait mobilisé ses troupes dans le bidonville de Nanterre. Mais l'histoire s'est arrêtée brutalement, ici, sur le pont de Neuilly. À ce moment-là, l'étau s'est serré sur les Algériens, la police, et à ce moment-là, il prenait des Algériens et le jetait à la Seine. Et puis voilà, ils ont chargé, puis... C'est la peur, ils ont tiré et eux et les autres foutaient le camp, quoi. Alors, il y a un petit mur, il y en a un qui a essayé de se sauver, il a été pris par une rafale, il est mort. Et l'autre, celui-là, s'est blessé. À l'époque, seules ces images muettes furent diffusées. Celles d'arrestations de masse parmi les 30 000 Algériens descendus dans les rues de Paris. Les photos d'Eli Kagan, elles, posaient problème. Il y a un tas de journaux qu'ils ont refusés. La Vie catholique m'a dit, elles sont formidables, tes photos, mais elles vont choquer mes lecteurs. Alors, il m'a filé un bon de 300 francs, mais il ne les a pas publiés. À France Nouvelle, ils m'ont dit, oh, terrible, terrible tes photos, mais on peut pas les saisir, on va les saisir si on les publie. Mais je dis, c'est le rôle d'un journal. Les autobus de la RATP, réquisitionnés avec leurs chauffeurs, emmènent des milliers d'interpellés porte de Versailles. Joseph Gomain-Gingère, lui-même gardien de la paix, préférerait ne pas s'en souvenir. Au fur et à mesure que ces cars arrivaient, ils étaient déchargés, manu militari, projetés par terre et frappés par une double haie de gardiens de la paix qui se disaient comité d'accueil. Il y avait la radio qui marchait et on disait dans tel arrondissement, il y a eu deux tués, deux gardiens de la paix tués, dans tel autre cinq, dans tel autre six, etc. Donc c'était une intoxication pure, de façon à pouvoir exciter les troupes. Plus tard dans la nuit, il s'est produit encore des événements beaucoup plus tragiques, hein, puisque une cinquantaine d'Algériens ont été tués, alors que Maurice Papon était présent à la préfecture. Tués, puis ensuite, leurs corps ont été jetés à la Seine. À l'époque, des élus de Paris, des sénateurs demandèrent des commissions d'enquête, elles furent toutes refusées. Pendant de très longues années, un silence de plomb pesa sur ces événements. 30 ans plus tard, en 1991, le Quid ne parle que de 2 morts et 44 blessés. En 1998, on en est à 6 morts, précision entre parenthèses, 200 morts selon le FLN, sans doute un minimum. La guerre d'Algérie reste une page grise de notre histoire. Tout à l'heure, en effet, dans les débats, on reviendra sur le rôle de Maurice Papon durant les événements d'Algérie. Il était préfet de police à Paris lorsqu'une répression sanglante a eu lieu. C'était le 17 octobre 1961. Rappel des faits, Gilles Marinet. 17 octobre 1961, 20h30. Venu des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine. Ils ont jeté les vieux. D'abord, il y a Brino, ils ont... Mais hier, les accusations se sont également portées contre l'ancien préfet de police de Paris. Là encore, Maurice Papon minimise son rôle, se retranche derrière les hiérarchies. Événement d'Algérie, Vichy, Maurice Papon donne sa version des faits. Mais à partir de cet après-midi, des témoins vont raconter l'histoire. L'ouverture des archives annoncée hier par Catherine Trautmann, ministre de la Culture, devrait permettre de faire la vérité sur cette nuit du 17 octobre 61 où une manifestation d'Algériens durement réprimés a fait de nombreuses victimes jamais comptabilisées dans les bilans officiels. Cette décision de lever le secret sur des documents qui dorment depuis 36 ans suscite des réactions mitigées des syndicats de police. Reste que cette décision donnera en même temps un nouvel éclairage sur la responsabilité de Maurice Papon, alors préfet de police. Philippe Boisserie, Valérie Fourniaud. Ouvrir les archives, il est aussi facile de le dire que malaisé de le faire. Les portes de notre mémoire ont la réputation d'être lourdes, surtout lorsqu'il s'agit d'une page sombre de notre histoire. Les questions sur ce 17 octobre 1961 sont dures. Y a-t-il eu lors de cette manifestation du FLN contre le couvre-feu imposé aux Algériens et pour l'Algérie indépendante, 3 morts selon le bilan officiel ou 200 et plus selon les travaux récents d'historiens? Y a-t-il eu volonté politique ou non de réprimer? Qui est responsable? La police? Le préfet? Le gouvernement? Les premières réactions sur cette ouverture des archives, celles des syndicats de policiers, sont partagées. Voire opposé. C'est la police nationale qui est mise, enfin, tout au moins c'est ce qu'ils ressentent, qui est mise en cause, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, enfin, tout au moins à ma connaissance, on puisse accuser la police nationale de quoi que ce soit. C'est une institution qui fonctionne tout à fait démocratiquement et qui est véritablement une institution républicaine, et ils le vivent d'autant plus mal. Je crois que quand on pratique le culte du secret, quand on ne dit pas les choses, c'est que ça cache quelque chose. Or, je pense que nous n'avons absolument rien à clasher, nous n'avons pas à rougir de la police nationale, nous n'avons pas à rougir de notre nation, nous n'avons pas à rougir de la République française. Un débat exacerbé par le procès de Maurice Papon, le préfet de police de l'époque. Hier, Pierre Messmer, ministre des Armées en 1961, le dédouanait de toute responsabilité. Aujourd'hui, celui-ci applaudit à l'ouverture des archives, rappelle le climat de l'époque, celui de la guerre d'Algérie, et apporte un bémol sur les responsabilités. À la responsabilité de la décision de réagir fermement contre la manifestation, c'est la responsabilité du gouvernement, il n'y a aucun doute. Alors s'il y a eu des bavures, c'est aussi la responsabilité du gouvernement. S'il y a eu des crimes, ou cas où il y aurait eu des crimes, c'est tout autre chose. Mais pour savoir, il faut trouver les archives, notamment celles de la préfecture de police. Or celles-ci sont légalement protégées jusqu'en 2021. Il faudra donc des circulaires, peut-être des lois. Et puis il faudra regrouper les documents disséminés dans les différents services de police. Que donneront ces services aux archives? La vérité est sans doute au bout d'un chemin encore très tortueux. L'examen du profil psychologique de Maurice Papon se poursuit devant la cour d'assises de Gironde. Et paradoxalement, c'est plus sur la période de la guerre d'Algérie que se portent les projecteurs jusqu'à présent. L'ouverture des archives décidée par Catherine Trautmann permet d'apporter des éléments de confirmation à la thèse de la sanglante répression policière de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961. Dominique Verdaille. Hachmoun Lamera, mort. Derouès Abdelkader, mort. Melkouv Amar, mort. Tous sont des Français musulmans d'Algérie, morts à Paris en 61. Motif de leur décès, homicide volontaire, autrement dit, meurtre. Autre colonne, le nom du magistrat instructeur et surtout la décision judiciaire qui a suivi l'enquête. NL, non-lieu, ainsi la justice a refermé le dossier. Ce document du parquet de Paris sorti des archives fait état d'au moins 70 morts après la manifestation d'octobre 61. 70, 100, 300 morts hier à l'audience, Maurice Papon a contesté ces chiffres. Il se retranche derrière le bilan officiel, 3 morts. À la rigueur, il concède 30 décès, mais c'est un règlement de compte interne au FLN, dit-il. Thèse soutenue hier à la barre par un ancien collaborateur de Maurice Papon. Il n'est pas pensable qu'en début d'une soirée, au centre de Paris, sur le parvis Notre-Dame, on puisse assassiner 40, 50 ou 60 personnes sans que personne ne bouge. D'un ton gaullien, Maurice Papon devait rajouter « S'il ne s'agissait que de moi, ça serait peu de choses. Mais la France, tant que j'aurai un souffle, je n'y laisserai pas toucher. » Seulement aujourd'hui, les documents contredisent les dires de Maurice Papon. Les archives d'un massacre le 17 octobre 1961. Plusieurs dizaines de manifestants ont trouvé la mort. C'est la conclusion d'un premier rapport révélé par le Figaro. Pour les associations, il manque encore plusieurs pièces dans ce dossier. Reportage Emmanuel Gagné et Jean-Bernard Ayer. Ces hommes parqués les bras levés derrière des barrières métalliques, ce sont quelques-uns des 25 000 Algériens français qui se sont rassemblés dans les rues de Paris en cette soirée du 17 octobre 61. Quelques instants plus tôt, à l'appel du FLN, ils manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu qui leur est imposé. Ces images ne le montrent pas, mais la répression policière est très dure. Voilà ce que confirme un rapport commandé il y a 6 mois par le gouvernement. D'après un bilan officiel de l'époque, cette répression aurait fait 7 morts. Des centaines, affirmait le FLN. Aujourd'hui, les auteurs du rapport estiment que le nombre des victimes se chiffre en dizaines, minorant les estimations de certains chercheurs. Ce qui s'est passé ici à la préfecture, des gens ont été balancés dans la Seine. Il faut que toute la vérité soit faite. Aujourd'hui, c'est un début de reconnaissance. Ce n'est qu'un début de vérité. J'espère que demain, on y arrivera à la vérité totale sur cet événement. Le rapport tente aussi de comprendre les causes de ce déchaînement de violence. Dispositifs policiers déployés dans l'urgence, peur des débordements et surtout des forces de l'ordre qui ont perdu 22 des leurs lors d'attentats perpétrés par les nationalistes algériens dans les mois précédents. Une analyse que ne partage pas l'un des meilleurs connaisseurs du dossier. Il ne faut pas qu'en 1998, une nouvelle vérité qui serait une vérité officielle vienne prendre la place d'une autre vérité, celle de 1961, qui s'est avérée mensongère. Les auteurs du rapport le reconnaissent eux-mêmes, c'est maintenant aux historiens de prendre le relais. Mais le travail sera difficile, certaines archives, comme celle de la brigade fluviale, ont été détruites. Si Maurice Papon se porte partie civile, c'est pour cet article paru dans Le Monde du 20 mai dernier. L'historien Jean-Luc Enaudi y met en cause sa responsabilité directe dans la répression sanglante de la manifestation d'Algériens du 17 octobre 1961. Préfet de police à l'époque des faits, Maurice Papon attaque l'historien pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire public. Il réclame 1 million de francs de dommages et intérêts. Cette plainte n'est en aucune manière une manœuvre. C'est simplement le droit légitime qu'a Maurice Papon de faire cesser un pseudo-historien et de faire taire un pseudo-historien qui le diffame depuis 15 ans. Jean-Luc Enaudi est pourtant l'auteur d'un ouvrage de référence sur les événements d'octobre 1961. Il a également témoigné sur cette affaire dans le cadre du procès Papon. Devant la justice, il compte bien défendre son travail d'historien. Puisque Maurice Papon me poursuit en justice, je vais répondre, évidemment. Je vais faire citer des témoins. Et il sera établi qu'il y a eu un massacre commis sous la responsabilité de Maurice Papon. En attendant, Jean-Luc Enaudi a reçu le soutien du MRAP. Une pétition en sa faveur a déjà recueilli la signature de 200 personnalités. Le procès lui est fixé au 4 février 1999. Un procès qui aura au moins le mérite de relancer le débat sur les responsabilités exactes du massacre du 17 octobre 1961. Maurice Papon va se retrouver jeudi de nouveau devant un tribunal, mais cette fois-ci, c'est lui qui porte plainte. Il poursuit en diffamation l'historien Jean-Luc Enaudi pour ses propos dans Le Monde sur la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 61. Enquête de nos confrères de France 3, Emmanuel Gagné, Bruno Livertou. Ce soir-là, lorsqu'il sort du métro, Wazen Saad a les mains sur la tête pour se protéger des coups de matraque. Comme des milliers d'autres Algériens, sur ordre du FLN, le mouvement indépendantiste, il est venu manifester pacifiquement à Paris contre le couvre-feu. Les forces de l'ordre les attendent. En ce moment-là, ils commencent à faire sur nous un carnage. Ils tapaient par tous les moyens ce qu'ils avaient sous les mains. On ne peut pas vous dire si c'est des barres de fer ou des matraques ou des coups de crosse. Bilan officiel de la répression policière, 3 morts, 200 d'après le FLN. Une centaine selon cet ancien responsable syndical de la police. Les agents d'Institut Multitude Légal étaient des garçons syndiqués à notre organisation. Or, tous nous ont dit que dans cette nuit-là, ils ont reçu plus d'une centaine de cadavres et que, pour évacuer, on rejetait souvent les cadavres à la Seine. Les raisons de ce déchaînement des forces de l'ordre, les attentats du FLN contre les policiers dans les mois précédents, mais aussi ce 17 octobre, d'étranges rumeurs sur les ondes de la police. Il a été dit que des collègues auraient été tirés, auraient été abattus, par des Nord-Africains. C'était entièrement faux. Mais pour certains, le responsable de ce drame, ce serait Maurice Papon, alors préfet de police de Paris. Papon a eu cette parole dramatique, pour un coup reçu, nous en rendrons douce. Mais dans le climat qu'il y avait à ce moment-là dans les formations, ça a été interprété inévitablement pour un tué, on en tuera 10. Cet ancien collaborateur de Maurice Papon est formel, le FLN porterait la responsabilité des violences. On ne pouvait pas tolérer qu'ils aillent manifester sous les fenêtres du général de Gaulle. Vous me l'accorderez quand même. C'était pas pensable. Et qu'aurait pensé l'armée française en Algérie alors qu'on laissait tout faire ici? C'était pas possible. Un débat sur lequel la justice va se pencher à partir de demain. Les juges devront dire si l'historien Jean-Luc Enodi a diffamé Maurice Papon en affirmant publiquement que l'ancien préfet était responsable de la mort de plusieurs centaines d'Algériens. Quand la France accepte de regarder les pages sombres de son histoire, après Vichy, c'est au tour de la guerre d'Algérie. Demain, on commémore un épisode tragique de ce conflit. Le 17 octobre 61 à Paris, la police tuait des manifestants proches du FLN. À l'époque, un bilan faisait état de 3 morts. Depuis, on sait que les victimes ont été très nombreuses. L'ouverture des archives aux historiens le confirme. Emmanuel Gagné, Denis Auville. De cette soirée, ne reste que ces images d'hommes, mains sur la tête, la peur dans les yeux. À l'appel du FLN, ils étaient venus manifester à Paris pour dénoncer le couvre-feu. Un couvre-feu qui venait d'être imposé à la population algérienne. Ce 17 octobre 61, les forces de l'ordre vont faire payer très cher à ces manifestants pacifiques la mort de leurs collègues policiers assassinés par le FLN dans les mois précédents. Là, devant la préfecture de police, devant le palais de justice, des Algériens ont été jetés à la Seine, du haut de ce pont. Il est bien évident que les policiers qui ont commis ces crimes, ici, en plein cœur de Paris, l'ont fait avec le sentiment de l'impunité. Depuis des années, Jean-Luc Enodi accumule inlassablement des témoignages sur les violences policières du 17 octobre et des jours qui ont suivi. Depuis longtemps aussi, il réclamait la possibilité de consulter les archives de la préfecture de police de Paris. Son obstination a fini par payer et les portes se sont ouvertes. Des documents conservés ici dans cette salle et que nous avons été autorisés exceptionnellement à filmer. Des dizaines de cartons rouges qui renferment notamment ce type d'informations. C'est un commissaire de police du 6e arrondissement qui fait un compte-rendu à son chef. Extrait de ce document. La police secours est intervenue et pour les disperser comme ils se montraient menaçants, a fait usage des armes. Il y a aussi cette note de Maurice Papon, alors préfet de police. Premier bilan officiel de la manifestation, 2 morts. Et puis ce gros cahier, le registre de l'Institut médico-légal, la morgue. Près de 300 corps d'Algériens pour l'année 61. Au fil des pages, des noms, parfois une photo, les causes présumées de la mort, mais rien, bien sûr, sur les circonstances. Il faut aller dans les dossiers de la police judiciaire à son nom pour trouver l'enquête qui a été faite par la police. Étudier les dossiers judiciaires, c'est le travail mené par cet historien. Un travail pour tenter d'établir notamment le nombre d'Algériens tués par les policiers le 17 octobre et les jours suivants. Voici son estimation. J'arrive, si vous voulez, à une trentaine de morts susceptibles d'être attribués à la police, mais dans certains cas, on ne le saura jamais si c'est exactement à la police. Et donc, je dis, si vous voulez, ça peut monter peut-être jusqu'à une cinquantaine, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on aille beaucoup plus loin. Pour Jean-Luc Enodi, ce bilan est beaucoup plus élevé, 200 morts. Il y a des témoignages également qui font état de morts à la préfecture de police, au palais des sports, au parc des expositions. Je dois dire que jusqu'à ce jour, on n'a pas retrouvé trace de ces cadavres. On ignore toujours ce qu'il est advenu de ces cadavres. Dans ce débat un peu macabre, une seule certitude. Le 17 octobre 61 restera l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. Thank you.

poursuivait l'objectif de lutter contre la précarité. Quelle honte ! Quelle honte ! Alors que la modification des règles de calcul et d'accès à l'indemnisation va appauvrir de nombreux chômeurs et empêcher beaucoup d'autres d'accéder à l'indemnisation. Madame la ministre, il n'y a pas de lien entre le niveau de l'indemnisation et le chômage. Sinon, comment expliquer que c'est à l'époque où l'indemnisation était au plus haut dans notre pays que le chômage était au plus bas? Vous parlez souvent des quelques centaines de milliers d'emplois non pourvus, mais oubliez de dire qu'à Pôle emploi, il y a environ un emploi non pourvu pour 100 chômeurs disponibles. Les chiffres, les statistiques ne parviennent pas à masquer la réalité sociale, celle d'une pénurie d'activités pérennes et d'un travail toujours plus précaire. 87% des embauches se font en contrat court et beaucoup de moins d'un jour. Savez-vous la vie que l'on mène quand le travail est à ce point précaire? Puisque j'ai cru comprendre que les quotas étaient à la mode, pourquoi ne pas instaurer des quotas modulables sur le recours aux contrats courts? Si vous manquez d'imagination, Madame la Ministre, pour lutter véritablement contre le chômage, nous sommes disponibles. Merci. Monsieur Folz, j'aimerais pour commencer vous conter une histoire. Il était une fois un EPR construit en 2007 et qui devait entrer en service en 2012 avec pour noble mission d'être l'avenir de la filière nucléaire et de représenter la grandeur de la France. À cette époque, il devait coûter 3,5 milliards d'euros. En 2015, l'autorité de sûreté nucléaire signale des anomalies de fabrication dans l'acier, du couvercle et de la cuve du réacteur. Sa facture était alors passée à 8,5 milliards d'euros et sa mise en service repoussée à 2017. Le pauvre EPR n'en avait pas fini de connaître des mésaventures. Ses cousins, partis briller à l'étranger, notamment en Finlande et au Royaume-Uni, avaient connu les mêmes déboires et partagé sa peine. Après les fissures du radier, la condamnation de Buyl pour travail dissimulé pour 460 travailleurs polonais et roumains, la cuve et le couvercle défectueux, c'était alors 150 soudures révélées défaillante. En octobre dernier, EDF annonçait un budget total du projet à 12,4 milliards d'euros et une mise en service en 2023. Désormais, l'EPR voyait sa noble mission s'écrouler. Tel est le compte contemporain du nucléaire. Votre rapport, Monsieur Folz, consent d'une part à admettre ce qui est un fiasco, mais s'enfonce dans un conte de fées quand il s'agit de tirer les leçons de cet échec. Vous imaginez qu'avec une équipe de projet puissante, des bureaux techniques efficaces, des renforcements de la formation liée au métier de soudage, alors peut-être, peut-être que le PR de Flamanville n'aurait pas connu un destin aussi funeste. Vous évoquez des moyens sans jamais mettre en cause le projet pour lequel ils sont alloués. En vérité, le nucléaire est un puits sans fond que l'on ne cesse de renflouer à coups de milliards. Les récents événements climatiques devraient nous conduire à davantage de responsabilités. La fermeture de réacteurs nucléaires pendant les épisodes de canicule en disait déjà long, l'énergie nucléaire n'est pas résiliente au changement climatique. Mais le gouvernement s'obstine dans la bêtise. En 2018, les dépenses de recherche et de développement liées au nucléaire ont été 127 fois plus importantes que celles investies pour l'éolien. Et pour quel résultat? Un EPR inexistant et zéro éolienne en mer. Cette année, il est question de créer 6 nouveaux EPR sans jamais tirer ses leçons. Je conclus. La morale de cette histoire, chers collègues, c'est qu'il est temps d'en finir avec les contes de fées. Celui du nucléaire a assez duré. Les moyens que vous évoquez doivent être dirigés vers l'avenir, merci. Les énergies renouvelables. Premier amour, près de l'usine à gaz. Premier rêve, près du vieux canal. Premier baiser, près de la raffinerie. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks, vu le pétrole mettre la nuit en feu, senti le printemps dans les fumées du vent. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Spring's a girl from the streets at night. Dirty old town. shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. A son ran from the docks, saw a train set the night on fire. Smell the spray on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town. Bonjour, c'est la 97e édition de cette rencontre. Allez, générique. Pour moi, c'est l'actualité internationale qui a dominé la semaine, parce qu'il s'y déroule une série d'événements qui interpelle notre capacité à les comprendre et à les mettre en relation les uns avec les autres. Alors, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les interventions populaires, les mobilisations populaires, leur contenu, leur forme, parce que c'est ce qui nous permet de mieux comprendre les événements d'une manière générale dans le monde. Les événements à Hong Kong continuent, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations toutes les semaines. Les autorités sur place imitent le modèle Macron, de bien des manières. Par exemple, c'est essayer d'épuiser la lutte en la laissant pourrir, comme pour les Gilets jaunes. Radicaliser la répression pour obtenir en face une escalade de violence. Et faire passer des dispositifs légaux pour pouvoir réprimer plus durement ceux qui manifestent. Alors, par exemple là, à Hong Kong, ils sont inspirés de la loi française qui interdit de porter un masque sur la figure pendant les manifestations. Et ils ont dit d'ailleurs, c'est comme en France. Ça nous montre d'ailleurs que, au fond, ce qui s'est passé ici, avec le système de Macron, pour réprimer les Gilets jaunes, a été analysé par tout ce qui, dans le monde, a une pratique autoritaire du rapport à la population, pour essayer de faire pareil. Alors ils disent, c'est leur argument, ils disent, regardez, la France, c'est le pays des droits de l'homme, blablabla, ils le font, donc nous aussi on peut le faire. Alors ça, c'est la situation à Hong Kong. Et là aussi, on s'aperçoit que le contenu, au départ, c'était une seule et unique question qui était dedans, puis plus le mouvement dure, évidemment, plus il enrichit son contenu. Il se porte sur des terrains sur lesquels il n'était pas au début. C'est pas que les revendications démocratiques, c'est aussi des revendications sociales, c'est aussi des revendications sur le système judiciaire, puisque c'était parti de là au début. En Algérie, même évolution. On a d'une part une très puissante et très profonde mobilisation populaire qui correspond à tout un arc de questions qui préoccupent la population. Et en face, le pouvoir est passé à une phase très offensive de la répression. Maintenant, c'est tous les jours qu'il y a des arrestations et que les mobilisations populaires sont réprimées physiquement plus durement. Ça a été le cas cette semaine de la manif des étudiants, parce que tous les mardis, il y a une manifestation d'étudiants, et tous les vendredis, il y a une manifestation de la population dans son ensemble. Alors là, on est passé à cette phase de répression, d'arrestation. Toute une série d'amis ont été arrêtés, et on voit que là aussi, le pari qui est fait, c'est de faire peur aux gens par les arrestations, par la dureté de la répression. Et à chaque fois, ils ont espoir qu'en face, il y ait une radicalisation des méthodes de combat qui finissent par isoler le mouvement. C'est la technique française, celle de Macron, pendant la période Gilets jaunes. Alors au milieu de tout ça, pour l'instant les choses sont comme elles sont, il y a aussi en Amérique latine un événement très important dans un pays qui s'appelle l'Équateur, qui a été dirigé par les partisans de la révolution citoyenne. Ce pays ensuite a, au bout des deux mandats de son président de révolution citoyenne, Rafael Correa, a eu, c'était la loi, il fallait passer à quelqu'un d'autre. Et le mouvement majoritaire dirigé par Rafael Correa a désigné comme candidat un homme qui s'appelle Lénine Moreno, qui est à peine élu parce que la victoire a été remportée. Ce sont les nôtres qui ont gagné, notre programme. Eh bien, à peine élu, il a complètement trahi son camp, envoyé en prison son vice-président et provoqué l'expulsion de je ne sais combien de personnes du territoire national. Rafael Correa qui a dû en partir. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ricardo Patiño, j'ai rencontré cet été au Mexique, a dû partir aussi, etc. Et là, ce type est parti sur une ligne, Lénine Moreno, une ligne libérale, néolibérale. Bon, comme toujours, ça donne toujours le même résultat, c'est-à-dire l'État est appauvri, l'économie ralentit parce qu'il n'y a pas de consommation populaire, et à partir de là, la machine se grippe, et elle finit par s'effondrer, c'est ce qui s'est produit en Équateur. Donc ils sont allés chercher de l'argent auprès du Fonds monétaire international, ils ont passé un accord avec Madame Lagarde. En échange, le Fonds monétaire international, dit-on, a obtenu que Monsieur Assange, qui était réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres, soit arrêté et remis aux Nord-Américains. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ils ont eu leur sous venant du Fonds monétaire international et de Madame Lagarde. En échange, devinez quoi ? Surprise, coucou, comme d'habitude, d'un plan d'austérité qui aggrave la situation précédente. Enfin, c'est toujours la même chose qui se produit. Mais ça n'a pas l'air d'empêcher tous ces gens de recommencer à chaque occasion le même mécanisme et la même politique absurde. Sauf que cette fois-ci, ça a mal tourné, parce que la population qui était déjà en état de tension s'est insurgée contre le plan du gouvernement. Et s'est insurgée d'une manière tellement spectaculaire, tellement massive, tellement totale dans le pays, que le pouvoir de M. Lénine Moreno a perdu pied, a fait tirer sur la foule, après avoir fait taper dans le tas, que les manifestants eux-mêmes, devant un tel déchaînement de violence, ont élevé le niveau de leur présence, de leur intervention, et c'est ainsi qu'hier, il y a eu une invasion et occupation de l'Assemblée nationale par les manifestants. Donc là, on est en plein dans un processus aussi de récupération du pouvoir, parce que les gens disent, c'est pas normal, ce gars a été élu sur une ligne, il en applique une autre, c'est donc l'effondrement de la position traditionnelle de ce type de personnage. Les gens disent, non mais comment vous pouvez avoir une idée pareille, augmenter le prix de l'essence de 123%, ça donne la même chose qu'en France avec les gilets jaunes. Les premiers à se révolter, les premiers à entrer dans la lutte, sont ceux qui sont les plus éloignés des centres-villes et des centres urbains, parce que pour survivre, pour accéder au réseau d'alimentation, au réseau de toutes sortes, il faut dépenser plus d'essence. Donc la bataille pour l'accès au réseau commence dans le fait que vous pouvez rouler, que vous pouvez mettre de l'essence dans votre voiture. Et là, évidemment, ce sont les Indiens et les indigènes qui sont les plus remontés dans cette affaire, parce que 123% d'augmentation pour des gens qui ont des revenus monétaires très limités, les communautés indigènes, elles vivent beaucoup de manière autonome, un peu en autarcie, les uns et dans les autres. La circulation monétaire est moins intense dans ces communautés qu'elle l'est pour d'autres habitants ailleurs en ville, où en effet tout dépend du dollar, des pièces de monnaie et des billets qu'on a. Mais quand vous êtes dans une tribu indienne, la monétarisation de l'échange, c'est pas l'essentiel. Ça donne donc cette dimension, lutte pour l'accès au réseau, protestation contre l'augmentation du prix des carburants, et donc insurrection générale. Alors le gouvernement s'était cru malin, écoutez bien ça, ils ont quitté la capitale, Quito, en disant, on va aller s'installer dans une autre ville qu'ils espéraient plus à droite, plus de leur côté, Guayaquil, qui est une ville dans la plaine, et là-bas, catastrophe, parce que pas du tout, les gens sont pas plus accommodants là-bas qu'à Quito, tant et si bien que la capitale, la nouvelle capitale, Guayaquil, est en état de siège. Mais ce qui nous intéresse dans les trois cas que je viens de citer, Hong Kong, l'Algérie et l'Équateur, c'est d'abord le caractère massif de l'implication de la population dans la lutte. Le deuxième élément, c'est le contenu des revendications, qui en général sont des revendications démocratiques qui deviennent des revendications sociales, ou des revendications sociales qui s'étendent à des revendications démocratiques. C'est le même phénomène partout. On commence par un bout et à la fin, on couvre tout l'arc de ce qui fait la vie de tous les jours. Et à chaque fois, c'est la demande du contrôle du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de la participation au pouvoir qui sort partout dans les pratiquement les mêmes mots. Une autre caractéristique est que ces mouvements, d'une manière qui est inattendue pour la vieille gauche, se déroulent tous en prenant le drapeau national. Alors c'est le cas à Hong Kong, c'est le cas en Algérie, c'est très frappant, et c'est la même chose en Équateur. Le plus grand dénominateur commun, c'est le drapeau national. Alors c'est intéressant parce que il faut le lire non pas comme du pur nationalisme, hein, au sens d'un nationalisme agressif, chauvin, etc., mais plutôt comme nous sommes une communauté humaine. Voilà qui nous sommes. Nous sommes les Algériens, nous sommes les Équatoriens, nous sommes les Hongkongais, c'est-à-dire qui se vivent et se présentent comme une communauté d'intérêts partagés, d'intérêts communs, et pour signifier cette expression-là, hein, eh ben vous avez le drapeau national. Voilà des caractéristiques qui paraissent très intéressantes pour arriver petit à petit à mieux comprendre le processus des révolutions citoyennes, qui est la caractéristique des révolutions du XXIe siècle, qui ne sont plus des révolutions de type socialiste comme autrefois, c'est-à-dire où c'est les ouvriers des usines qui, par leur mouvement, déstabilisent les pouvoirs et éventuellement le conquièrent eux-mêmes, mais c'est le peuple tout entier, souvent d'ailleurs organisé par les structures traditionnelles du mouvement ouvrier. Bon, c'est pas le cas en Équateur, mais c'est souvent le cas, ça a été le cas dans d'autres pays. Et évidemment, ça élève le niveau d'exigence, hein. Attention, il ne faut pas se rater dans des situations comme celle-là, parce que la conséquence, on la voit dans les pays où les forces dégagistes se sont trop rangées, bah ça donne ce qui s'est passé en Tunisie, alors que la Tunisie était en quelque sorte le phare, la vitrine d'une révolution citoyenne qui débouchait sur une assemblée constituante. Il lui a manqué la composante sociale. Il n'y a pas eu de composante sociale à la révolution citoyenne en Tunisie. Le résultat, c'est que la société a continué à se fracturer, et tous ceux qui ont donné le sentiment d'être impliqués dans des jeux politiques, même si c'est injuste, hein, eh bien, ont été balayés dans les dernières élections en Tunisie. Absolument tout le monde a été balayé, sauf deux candidats qui mettent la situation de la Tunisie dans une impasse, parce que l'un est un professeur, un vieux professeur, bon, plein de mérite personnel, c'est certain, mais qui est piloté par une idéologie religieuse assez réactionnaire, assez rétrograde par rapport aux attentes du peuple tunisien, des villes, qui est beaucoup plus, ouvert quant à l'organisation des familles, des relations sociales et tout ça. Et l'autre est un candidat qui a été montré du doigt pour corruption, qui a été emprisonné et qui est arrivé le deuxième dans cette élection. Alors, moi, je me suis prononcé publiquement pour qu'il soit relâché, parce qu'on ne fait pas une élection avec un candidat en prison. Et je me réjouis de voir qu'en effet, il a été relâché et qu'il va pouvoir participer personnellement et directement à cette campagne. Mais la leçon, elle est pour nous, parce que nos amis là-bas, ils se sont fait drôlement aplatir. Et pourquoi ? Ils ne manquaient pas de mérite, ils ne manquaient pas d'implication dans la situation, ils ont mené des luttes admirables, mais ils se sont disputés entre eux. Et donc, ils ont donné le sentiment d'être pris dans des jeux politiciens. Et ça a été très durement sanctionné. Alors, il faut que nous sachions, nous, que tout ça peut nous pendonner à tous, hein, partout. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres et penser que une telle situation n'aurait pas lieu dans nos pays. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les thèses de l'ère du peuple sur la façon avec laquelle se constituent les majorités, les révolutions citoyennes sont complètement confirmées par ce qui vient de se passer dans ces trois pays, très éloignés l'un de l'autre, hein. L'un est un pays d'Afrique du Nord, l'autre est un pays d'Asie, et le troisième est un pays d'Amérique latine, mais les caractéristiques que donne la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne démontrent qu'elles ont une vertu descriptive et prédictive supérieure à tout ce que nous avons eu jusqu'à présent pour comprendre les événements. Dans les pays où c'est en quelque sorte la deuxième couche, hein, si j'ose dire, après une première vague de révolution citoyenne victorieuse, je pense surtout aux pays d'Amérique latine, c'est très intéressant pour nous de voir ce qui va être apporté de plus dans cette deuxième vague, puisqu'il est très probable que nous gagnions les élections en Argentine, également en Uruguay, et que la situation est en train de se retourner en Équateur pour la raison que je viens de mentionner devant vous, mais également au Brésil, où l'opération Bolsonaro contre Lula et le Parti des Travailleurs est en train de s'écrouler. Bolsonaro est même pas sûr de rester jusqu'à la fin de son mandat. Donc le monde, dans cette zone du monde, bouge. De la même manière qu'en Amérique du Nord, les choses bougent à l'intérieur du Parti démocrate. Donc on a de bons espoirs de ce côté-là. Bon, je vais vous dire un mot d'un mouvement qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Extinction Rebellion. Il m'impressionne par sa capacité à être un mouvement d'action, qui est le rêve pour un insoumis, hein, c'est ça qu'on voulait faire et qu'on veut faire de notre mouvement insoumis. Et ensuite, par sa capacité à, avec finalement peu de monde, à mettre vraiment en exergue, en lumière, un problème de fond, qui est le problème du changement climatique et de l'action qu'il est nécessaire de faire, non pas bientôt, mais maintenant, pour inverser le cours de l'histoire et en tout cas des politiques publiques. Alors, je sais que c'est un mouvement qui a été critiqué par des personnalités de l'ancienne et de la vieille gauche, mais c'est une erreur de leur part, parce que il y a une grande capacité d'auto-organisation qui est présent avec Extinction Rebellion, et moi je vous invite plutôt à vous joindre à eux. Hein. Alors vous joindre à eux, ça veut dire vous remballer les drapeaux, vous remballer tout ce qui... Il ne s'agit pas de participer en essayant d'imposer une couleur politique, tout ça serait absurde. Mais comme on l'a fait avec les Gilets jaunes, de se mettre au service de l'action en y participant. Parce que voyez-vous, ce qui est grave, c'est que si les actions s'arrêtent, déjà que les gouvernements ne font pas grand-chose, alors là, pour le coup, ils ne feront plus rien. Et ils se sentiront même pas obligés de rendre des comptes ou de dire où ils en sont et ce qu'ils comptent faire pour la suite. Parce que je pense que la question, au sens large, hein, de l'écologie ne va plus sortir de notre actualité, et tant mieux. Parce que ça oblige toute la société à réfléchir, et que quand la société réfléchit, le plus souvent, elle arrive à des conclusions qui sont très voisines de celles que nous avons toujours défendues. Sur la défense des biens communs, l'air, l'eau, etc. Sur le soin à avoir dans la façon de produire et d'échanger. L'accident de Rouen, puis celui de Villeurbanne, tout ça fait beaucoup réfléchir autour de nous. Et heureusement qu'il y a des groupes de cette nature qui, par le caractère un peu spectaculaire de leur action, montrent qu'il y a une volonté dans la population d'agir et de répliquer et de ne pas laisser faire. Et ce qui me paraît très important de rappeler, c'est que c'est un mouvement qui est pacifique et qui ne veut recourir qu'aux méthodes pacifiques. Et ça, c'est exactement ce que nous croyons bon, les insoumis. Nous ne croyons qu'aux méthodes pacifiques parce que c'est elles qui permettent à un maximum de gens de se fédérer, ce qui n'est pas le cas dans la situation des manifestations où il y a de la violence, qui évidemment isole ceux qui agissent, et pour le plus grand bonheur de ceux qui les combattent. Hein. Donc voilà, donnez-leur le coup de main, protégez-les, aidez-les, soyons respectueux de leur identité, n'essayons pas d'y injecter autre chose, mais il faut absolument tenir bon, tenir tête aujourd'hui, parce que c'est la clé de l'avenir. Bon, vous avez sans doute appris que les Turcs étaient entrés en Syrie, hein, je le rappelle, parce qu'on dit, on parle des combattants kurdes, évidemment que c'est le plus important, les Turcs sont entrés en Syrie pour tuer les Kurdes, hein, c'est pas pour autre chose. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que les Turcs entrent en Syrie, armés pour y faire la guerre, contre une partie de la population syrienne, parce que les Kurdes de Syrie sont des Syriens, et d'ailleurs les Kurdes de Syrie disent qu'ils sont Syriens. Donc c'est un pays qu'en attaque un autre. C'est quand même ça le fond de l'affaire. Et ça, normalement, le Conseil de sécurité de l'ONU et les fameuses coalitions internationales ne le supportent pas. Je rappelle que c'est parce que Saddam Hussein et les Irakiens étaient entrés au Koweït, pays souverain, que les États-Unis d'Amérique ont déclenché la guerre pour les en faire ressortir. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Monsieur Trump, non seulement n'a pas l'intention d'empêcher les Turcs d'intervenir, ni même d'essayer de les faire sortir de Syrie dans lesquelles ils sont entrés, mais on se demande jusqu'à quel point ils ne sont pas d'accord, ce qui fait réfléchir, parce que du coup on se demande ce qui se passe, pourquoi M. Trump tout d'un coup lâche-t-il les forces démocratiques syriennes, dans lesquelles évidemment les Kurdes représentent le 90% de ce qui se bat, si c'est pas 99%, pourquoi les lâche-t-il? On a l'impression qu'il y a un arrangement régional qui est en train de se mettre en place, chacun s'étant attribué un bout du territoire et ayant conclu que, en gros, bah, les Kurdes n'auraient rien, ni aucun droit, cette fois-ci encore. Alors, les Turcs veulent s'en donner la garantie en écrasant les Kurdes de Syrie, parce que souvent, ils sont parents ou liés aux Kurdes de Turquie. Les États-Unis peuvent éventuellement dire, bah, après tout, faites ce que vous voulez, ça va stabiliser la zone, vu que eux, les États-Unis, sont en Irak, où il y a d'autres Kurdes, et où, en Irak, comme vous le savez peut-être, il y a des manifestations populaires, maintenant aussi, sous forme quasiment de révolution citoyenne, exigeant des services publics, la fin de la corruption des dirigeants, et la fin de la guerre, de l'interminable guerre, qui accable ce pauvre pays. Alors voici, ça c'est le secteur américain, et puis le secteur des Russes, c'est la Syrie, et la Syrie peut-être voit-elle d'un bon œil que on rétablisse l'unité du territoire en écrabouillant les forces combattantes kurdes, qui ne se contentent pas de combattre contre Daesh, mais qui ont installé dans cette zone des formes sociales et municipales extrêmement avancées. Hein, écologistes, féministes, laïcs, et tout ça, ça ne plaît pas à tout le monde, en Syrie non plus. Hein. Alors, on regarde tout ça de près. Bon, dès qu'il y a eu l'intervention turque, nous sommes tous intervenus, à la France insoumise, parce qu'on est très liés aux Kurdes qui combattent, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et puisqu'il y a encore quelques mois, notre camarade Mathilde Panot était avec Daniel Obono dans le Rojava, c'est-à-dire le cœur de l'action socialiste, écologiste et féministe des Kurdes de Syrie. Il était présent physiquement là-bas. Et donc nous sommes liés à ces secteurs-là d'une manière assez durable et assez profonde. Mais je suis quand même content de voir que la commission des affaires étrangères dans laquelle je siège à l'Assemblée nationale a fait une déclaration commune, unanime, pour exiger l'arrêt des bombardements et le retrait des Turcs de Syrie et de la zone pro-kurde. Et pour finir, apparemment, 24 heures après, il semble que Macron aussi se soit rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et tous, maintenant, nous demandons la réunion du Conseil de sécurité pour imposer que la Turquie recule. Alors, bon, quand même, précisons que la Turquie est censée être membre de la même alliance militaire que nous, les Français, c'est-à-dire l'OTAN, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est la machine de guerre des Nord-Américains, pour asservir un peu tout le monde. Mais là, on arrive à une situation quand même totalement ridicule, parce que l'OTAN se trouve être impliquée par la Turquie dans une guerre contre des gens qui, eux aussi, sont, comment dire, liés à l'OTAN, puisque de l'autre côté, en appui des Kurdes, ben, y a la France, hein, et quelques pays comme ça, qui ont pris position et qui ne sont pas d'accord pour qu'un pays de l'OTAN agresse la Syrie. Voilà, je vous donne tous ces éléments, j'espère éclaircir un petit peu ce qui est en train de se passer dans cette zone-là, c'est-à-dire un nouveau partage territorial entre Turcs, Russes et Nord-Américains sur le dos des Kurdes, puisque les Kurdes sont présents comme communauté nationale en Syrie, en Irak, en Turquie et en Iran. Donc on peut vraiment dire qu'ils sont présents sur 5 pays, je crois, ou 4, je ne me rappelle plus très bien. Et évidemment, la lutte contre Daesh, l'effondrement de l'État irakien à la suite de Saddam Hussein a donné une sorte de légitimité à la question kurde qu'elle avait jamais eue de manière aussi forte dans le passé. Mais il s'agit de redécouper 5 pays. Hein. Alors on peut comprendre que ça fasse reculer ceux à qui cette tâche serait confiée et que par conséquent, il y a une entente entre les puissants pour dire « bon, allez, les Kurdes, on vous a assez vus, maintenant taisez-vous ». Cessez votre auto-organisation, et c'est ce que sont en train de faire les Turcs contre les Kurdes de Syrie. Bon, alors plusieurs petites remarques pour terminer cette revue de la semaine. Premièrement, cette semaine, j'ai pas mal intervenu, la semaine précédente également à l'Assemblée nationale, et il y a eu des rebonds hein, de mes interventions. Notamment, j'ai prononcé un discours lundi, puisque le gouvernement a voulu à tout prix ouvrir un débat, je sais pas en quoi ça consistait, sur l'immigration, c'est-à-dire qu'on a dû écouter 4 ministres, puis après 27 orateurs, et après, bon, fermer le banc, ni vote, ni proposition, ni quoi que ce soit. On a pensé que c'était une grossière manœuvre dans le style de ce que vous savez, hein, c'est que la famille macroniste veut à tout prix avoir des thèmes qui lui permettent d'imaginer à nouveau un face-à-face avec l'extrême droite en se disant les gens auront tellement peur qu'ils finiront par voter pour nous même s'ils nous aiment pas. Bon, tu parles d'un calcul. Enfin bon, en attendant, on a eu ce qu'ils appellent un débat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une addition de monologues. Et moi, j'ai fait un discours au nom des Insoumis, et il a eu un certain impact, puisque on l'a vu regarder à 500 000 exemplaires sur Facebook. Donc ça, c'est le signal qu'il y a un intérêt pour cette expression. Voilà. Donc si vous voulez retrouver tout ça, vous l'aurez à la fin, dans les références de cette vidéo, vous avez les liens pour aller écouter, c'est pas la peine que je répète ici ce que j'ai déjà dit une fois à la tribune de l'Assemblée nationale. Bon, sinon, comme d'hab, si vous voulez vous abonner, parce que vous découvrez cette chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit et ça le restera. Et si vous voulez que quand il y a quelque chose sur la chaîne, il n'y a pas tout le temps quelque chose, il y a quand je fais une revue de la semaine, ou quand il y a un discours qu'on a extrait, qu'on a mis, bon, donc c'est pas tous les 5 minutes, hein. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez être informé par une notification, maintenant tout le monde sait ce qu'est une notification, sur votre téléphone. Pour ça, il faut, au moment où vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous devez cliquer sur un petit bouton pour recevoir les notifications en question. Donc faites-y attention si ça vous intéresse. Bon, sinon, si ça vous a plu, cette affaire-là, que vous venez d'entendre, eh bien, mettez un pouce bleu, parce que c'est stimulant pour nous. Ça donne du courage, ça montre que on s'intéresse à ce qu'on est en train de faire. Et le fait est que la diffusion des deux premières revues de la semaine depuis mon retour d'Amérique latine était vraiment à très bon niveau. Et donc pour Antoine qui fait la réalisation de cette émission et pour moi, eh ben c'est un grand encouragement et une source de satisfaction, parce que on sent que notre boulot, il y a des gens qui l'aiment, quoi, et qui sont contents qu'on le fasse. Merci, à la semaine prochaine. Je m'appelle Yu Chen, je suis chinoise. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à parler chinois. Alors, j'ai choisi 10 phrases que je trouve les plus utiles si un jour on voyage en Chine. On va commencer par, bien sûr, bonjour. Bonjour, c'est aussi la première phrase française que j'ai appris. Comment on dit bonjour en chinois? C'est ni hao. Ni hao. Je ne vais pas expliquer l'histoire de Gaston trop en détail, parce que je trouve des gens prononcent ni hao plus ou moins bien. Dans la rue, il y a des gens qui me disent ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. Moi, je comprends très bien. Je pense que le ton n'est pas très très très important, surtout pour les débutants. Ok, on continue. Comment on dit merci? Merci en chinois, c'est xie xie. Xie xie. Et de rien, c'est bu yong xie. Bu yong xie. Si par exemple, on marche de nu, vous marchez sur les pieds de quelqu'un. Là, on doit dire excuse-moi. Excuse-moi en chinois, c'est dui bu qi. Dui bu qi. Et si c'est l'inverse, c'est il nous dit dui bu qi. Là, on doit répondre mei guan xi. Mei guan xi. Ça veut dire c'est pas grave. Si vous voulez acheter quelque chose, comme le prix n'est pas affiché partout en Chine, donc ce sera très important de dire combien. Combien en chinois, c'est 多少钱. 多少钱. Si vous êtes perdu, vous pouvez appeler 110. Mais je ne suis pas sûre si les polices en Chine parlent anglais. Si vous avez une carte ou une adresse, vous le montrez aux gens et demandez plutôt aux jeunes. Et vous dites, excusez-moi, je veux aller à cet endroit. Cet endroit. Je veux aller à cet endroit. C'est un peu long à dire en chinois. La façon la plus facile à dire que j'ai trouvé, c'est tu, zhe, li. Tu, zhe. Li. Pi-jiu. Pi-jiu. Je mets le mot de la bière parce que je pense peut-être c'est très important pour certains d'entre vous. Wo ai ni. Wo ai ni. Ça veut dire je t'aime en français. Je sais pas pourquoi je le mets dans cette vidéo aussi. Parce que j'ai dit c'est plutôt pour les voyageurs en Chine. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà la dernière phrase, mais aussi très utile et très basique. C'est oui et non. Oui, en chinois, c'est shi. Shi. Non, en chinois, c'est bu shi. Bu shi. Voilà, ce sont les 10 phrases que je vous apprends à dire cette fois-ci. Si vous avez des questions ou des idées pour mon prochaine vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre normalement. À la prochaine. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, cette année, plus encore que d'habitude, je le crois, nos débats feront l'objet d'une attention toute particulière. C'est un nouveau budget de l'insécurité sociale. De rigueur en austérité budgétaire, d'aggravation des conditions de travail en manque de personnel, de fermeture de lits en fermeture d'unités, de réduction des moyens en dégradation de la qualité et de sécurité des soins, l'hôpital public se meurt. Derrière les chiffres, les tableurs Excel, derrière le langage des calculatrices, derrière les absurdes règles budgétaires européennes, il y a des femmes, des hommes qui ont fait le choix de s'engager pour soigner, mais aussi des patients, des usagers qui craignent pour eux ou pour leurs proches. En 10 ans, ce sont plus de 50 000 lits qui ont été fermés et des budgets successifs qui n'ont jamais été à la hauteur de la hausse de la charge de soins. La politique de santé a été réduite à sa seule dimension budgétaire, visant la baisse des dépenses publiques sacrifiées au seul bénéfice du secteur privé. Ce secteur privé, sans doute le seul que vous servez. L'hôpital public se meurt donc, et depuis cette tribune, je me fais le relais de l'intense souffrance dont témoignent les personnels hospitaliers, qui vous réclament un plan d'urgence pour l'hôpital. L'hôpital public se meurt et depuis cette tribune, je me fais aussi le relais de l'immense gratitude que ressentent les Français pour celles et ceux qui les protègent et qui les soignent. Vous devez les entendre. Nous n'en pouvons plus d'un système de soins à deux vitesses, où celles et ceux qui ont les moyens peuvent payer pour se soigner, pendant que près d'un Français sur deux renoncent à se soigner et que le personnel soignant se rend malade de conditions de travail intolérables. Alors que nous étions appelés l'an dernier à nous réjouir d'un retour à l'équilibre de la sécurité sociale, nous sommes cette fois appelés à constater le retour du fameux trou de la sécu. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de 5 milliards d'euros 0,2% du PIB. Mais d'où vient donc ce nouveau dérapage des comptes sociaux qui justifierait que l'on resserre la vis de nouveau? Si l'on en croit l'histoire racontée à qui veut bien l'entendre, c'est la faute aux gilets jaunes. N'ont-ils pas bon dos, ces gilets jaunes? Car la vérité, c'est que ce sont vos choix que l'ensemble des assurés payent. La sécurité sociale est un ensemble géré par les partenaires sociaux, à partir des cotisations des salariés et des employeurs. Et lorsque l'État décide de baisser les cotisations, il est logique qu'il prenne à sa charge le manque à gagner pour la sécurité sociale. Or, ici, précisément, vous le refusez. Ainsi, quand le président Macron vient faire ses annonces à la télévision, il impose ses décisions, dont il espère tirer, bien sûr, bénéfice pour lui-même, mais ne débourse pas un sou du budget de l'État pour compenser le poids de ses choix. Il faut rappeler ici, et nous le ferons à chaque fois, autant que nécessaire, que lorsque vous prétendez augmenter les salaires en supprimant des cotisations sociales, vous mentez. Vous mentez car supprimer des cotisations sociales, c'est faire payer aux salariés eux-mêmes la petite augmentation de leur salaire net en sacrifiant des moyens pour les risques de la vie. Aux très riches, en revanche, vous faites des cadeaux sans contrepartie, sans que cela ne produise aucun résultat positif pour l'intérêt général. En choisissant les exonérations de cotisations plutôt que les augmentations de salaire, vous faites porter à la sécurité sociale et aux assurés le poids de vos choix. Puis vous venez ici déplorer les conséquences de ceci via une technique finalement bien connue. D'abord, on creuse un trou dans la caisse, puis on vient s'en étonner. Ah, il y a un trou dans la caisse. Puis, comme il y a un trou dans la caisse, vient l'habituel refrain selon lequel il faut faire des économies. Et le tour est joué, et la voie est libre pour le démantèlement de la sécurité sociale et pour d'autres réformes, comme, par exemple, au hasard, la future réforme des retraites. Quel est, finalement, le bilan social de ce début de quinquennat? On le sait désormais, depuis que vous êtes arrivés aux commandes, les inégalités se sont creusées et la pauvreté a progressé dans le pays. Après vos cadeaux fiscaux, les promesses des grandes entreprises ont été vite oubliées, mais leurs dirigeants, eux, sont les grands bénéficiaires de la politique du gouvernement. Vous vous faites encore appeler la République en marche, mais avec vous, elle rampe. En définitive, votre politique, c'est moins de République. Votre tour passera et viendra l'heure de reconstruire et de mettre enfin les Français en sécurité sociale. Comme cul et chemise, comme la ronde en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui ait su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et ma beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon dans le salon chinois. Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi voit les crédits que la paix nous libère. Il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craquants sans brémeuse, les forts en tédéum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Bonjour et bienvenue sur France 24 dans un entretien aujourd'hui un peu particulier avec ma collègue Valeria Sacone, correspondante pour la chaîne France 24 en espagnol. Nous sommes à Curitiba, dans le sud du Brésil, dans les locaux de la police fédérale où se trouve incarcéré depuis un an et demi maintenant l'ancien président de la République brésilienne, Luiz Inácio Lula da Silva. Bonjour, monsieur le président. Merci de nous recevoir pour cet entretien exclusif. Bom dia, Lula. Bonjour, Fanny. Vous êtes devenu une icône pour les pauvres. Vous avez entrepris des initiatives très populaires comme les allocations familiales et vous avez été une icône de la gauche et maintenant vous êtes en prison à Curitiba, condamné pour corruption. Comment vivez-vous ce changement si radical ? Je vis cette situation de manière assez tranquille parce que je sais ce qui est en train de se passer au Brésil. Le pays vit un cycle de mensonges depuis le coup d'État contre Dilma Rousseff. Ils ont inventé une histoire, un mensonge, et de la façon la plus malhonnête qu'il soit, ils ont mis un terme à son mandat de présidente élu démocratiquement. Et après la destitution de Dilma Rousseff, j'étais certain que la prochaine étape serait que faire avec Lula. Il fallait à tout prix écarter Lula de la course à la présidentielle. Cela n'avait pas de sens d'écarter Dilma Rousseff avec une fausse destitution et de laisser Lula retourner à la présidence. Donc il fallait empêcher Lula de toute possibilité d'être élu. Donc ils ont inventé des tas de mensonges, des contre-vérités, et ils ont commencé à utiliser la police fédérale, le parquet, le pouvoir judiciaire en première et seconde instance pour accuser Lula. J'aurais pu ne pas me rendre à la police fédérale. J'aurais pu fuir dans un autre pays, demander refuge à une ambassade. J'ai décidé de venir ici pour pouvoir prouver mon innocence. Je veux prouver que les menteurs sont ceux qui m'ont accusé. Et je vais le prouver. Donc je suis très tranquille. Je sais ce qui se passe au Brésil. Je sais les intérêts américains au Brésil. Avec la découverte de gisements de pétrole présalifère en 2007, la plus grande réserve de pétrole découverte au XXIe siècle. Ils voulaient contourner les lois que nous avons votées qui garantissent que le pétrole bénéficie au peuple brésilien. Ils n'ont jamais accepté cela. Il y a eu en même temps contre moi la construction d'une alliance entre le parquet, le juge Moreau, le secrétariat d'État américain et la presse brésilienne. O departamento, a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos e a imprensa brasileira. Então, c'est cet ensemble de choses qui se sont passées au Brésil qui me font rester tranquille. Je vais prouver que les voleurs sont ceux qui m'ont emprisonné. Que os ladrões são aqueles que me prenderam. Vous avez toujours clamé votre innocence, affirmant que vous étiez victime de mensonges, d'un montage, comme vous l'avez dit. Cependant, les cas de corruption à grande échelle qui ont impliqué Petrobras et d'autres grandes entreprises ont bien existé. Comment le président d'un pays comme le Brésil pouvait ignorer ce qui se passait ? Un président d'un pays comme le Brésil ne savait pas ce qui estava acontecendo. D'abord, j'ai l'habitude de plaisanter en disant que le président de la République est souvent le dernier à être au courant, parce que ceux qui pratiquent la corruption le font en silence. Ils ne veulent pas faire la une de la presse. Ce ne sont pas toujours les dirigeants des entreprises, mais ceux qui sont à des niveaux inférieurs. La Petrobras est une entreprise qui a une gouvernance très développée, avec un conseil dirigé par la société civile. Ceux qui se sont rendus coupables de corruption, si c'est vraiment le cas, travaillaient dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. C'étaient des fonctionnaires recrutés sur concours pour leurs qualifications techniques. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas bénéficier du régime de semi-liberté car ce serait une manière de reconnaître une culpabilité que vous n'admettez pas. Vous pensez que vous allez bientôt pouvoir être innocenté ? Par quelle voie juridique ? Je ne veux pas de remise de peine. Je veux être innocenté. Le mot correct est innocence. Ou les canailles qui m'ont condamné prouvent que j'ai commis un crime, parce que j'ai déjà prouvé que je n'en ai pas commis, ou ils me libèrent et demandent pardon au peuple brésilien. Ou ils vont trouver une autre solution. Parce qu'effectivement, je veux sortir d'ici la tête haute, comme j'y suis entré. Mais vous pensiez rester en prison aussi longtemps ? Non, j'avoue que quand je suis arrivé ici, j'avais l'espoir qu'une décision serait votée et me libère rapidement. La Cour suprême devait évaluer la constitutionnalité de ma condamnation, mais le vote que j'attendais n'a pas eu lieu, donc je suis ici depuis un an et demi. Mais s'il faut démasquer l'ancien juge Moreau, je vais le faire. S'il faut démasquer la chaîne de télévision Globo, je vais le faire. C'est une question de temps. Ils ne savent pas ce que c'est que d'affronter un citoyen brésilien qui a connu la faim jusqu'à l'âge de 5 ans. Dans la terre où je suis né, celui qui survit après l'âge de 5 ans ne va pas mourir à cause d'une accusation. Ils vont voir ce que c'est de s'en prendre à une personne honnête et respectable. Cela signifie que vous pourriez être candidat en 2022, par exemple contre Sergio Moro, votre ennemi juré. Sergio Moro n'a pas le courage d'être candidat à la présidence de la République. Et s'il l'était, il perdrait, parce qu'il n'a aucune proposition. Il a appris par cœur une petite partie du code pénal et rien de plus. Mais allez-vous vous représenter ? Je ne vais pas dire si je suis candidat ou non. Je vais laisser le temps faire son œuvre pour voir ce qu'il va se passer. Sachez que je suis un homme de 74 ans, mais j'ai l'énergie d'un homme de 30 ans. Et je veux me marier en sortant d'ici. Pour l'instant, je veux lutter pour rendre à ce pays de la dignité, pour rendre au peuple brésilien le droit de manger 3 fois par jour, d'étudier, c'est ça que je veux. Le droit d'avoir accès à la culture, pour que les gens les plus pauvres puissent aller au théâtre, au cinéma, aller voir une comédie musicale. Nous avons vu ces dernières années déferler une vague de haine. La société est de plus en plus divisée, polarisée. Comment le Parti des travailleurs pourrait revenir au pouvoir ? Je ne sais pas si vous savez que lorsque j'ai quitté la présidence, 87% de la population jugeait ma gouvernance bonne ou très bonne. Ce n'est pas un taux d'approbation. C'était 87% qui jugeaient ma gouvernance bonne ou très bonne. 10% moyenne et 3% mauvaise. Cela signifie qu'une partie des gens qui ne m'aiment pas aujourd'hui m'aimaient hier. Et c'est tout à fait possible de récupérer ce soutien avec du travail et des propositions politiques. Il n'y a pas de sentiment anti-parti des travailleurs. Il y a entre 20 et 30% des gens qui préfèrent d'autres formations politiques. Et c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, en Allemagne par exemple, cela vaut pour le Parti socialiste, pour le Parti conservateur. En France, cela vaut aussi pour le Parti socialiste. En Espagne, dans le monde entier. Cela se passe toujours comme ça. Nous arrivons à la fin de l'entretien et je ne veux pas partir d'ici sans vous poser une question sur l'Amazonie. Comment gérer l'avenir de l'Amazonie ? Quel est l'équilibre entre le développement des populations déjà installées là-bas et la préservation d'une forêt très importante pour la régulation du climat au niveau mondial ? Nous avons probablement mené la politique la plus protectrice de l'environnement. C'est moi, quand j'étais président, qui ai conclu avec l'Allemagne et la Norvège l'accord pour la création du Fonds de protection de l'Amazonie. Nous devons comprendre que l'Amazonie brésilienne est un territoire souverain, mais que le Brésil doit être conscient que la biodiversité amazonienne intéresse l'ensemble de la planète. Donc c'est important que nous ayons toujours la possibilité de créer des mécanismes de collecte de fonds pour que nous puissions protéger l'Amazonie et garantir un développement durable et pour que nous puissions industrialiser la richesse que la biodiversité peut offrir à l'industrie pharmaceutique mondiale. C'est tout à fait possible. Garantir na indústria farmacêutica do planeta Terra. É plenamente fazer isso. Ce qui se passe, c'est que l'on vit un moment de folie de la part d'un gouvernement qui n'attache aucune importance à la protection de l'environnement. Bolsonaro n'aime pas les Indiens, n'aime pas les extracteurs de caoutchouc, Bolsonaro n'aime pas les arbres, Bolsonaro n'aime pas les partisans du Parti des travailleurs, Bolsonaro n'aime pas les pauvres, les syndicalistes. Il a déjà dit que les Indiens étaient des clochards, que les Noirs étaient des clochards, que les partisans du PT devaient mourir, tout ce qu'il n'aime pas. Vous venez d'être nommé citoyen d'honneur de la ville de Paris. C'est un titre que très peu de personnes obtiennent. Vous êtes fier d'avoir tiré des millions de personnes de la misère au Brésil. Alors, comment se fait-il que vous soyez plus populaire à l'étranger que dans votre propre pays? Je ne peux pas me plaindre, car je suis très apprécié au Brésil. D'abord, je veux remercier la population parisienne, les conseillers de la ville de Paris et la chère mère Anne Hidalgo pour le prix que j'ai reçu. Cela m'a fait très plaisir. Mais on ressent une certaine colère, une certaine diabolisation de votre personne. Cela ne veut pas dire que j'ai tort. Certaines personnes qui me diabolisent peuvent avoir tort. L'une des raisons pour lesquelles des gens nourrissent de la haine contre moi, c'est parce que les pauvres ont commencé à voyager en avion sous mon gouvernement. Les employés domestiques ont commencé à acheter et utiliser le même parfum que leur patronne mettait pour aller dîner. Les employés de maison, les jardiniers, ont commencé à pouvoir acheter des voitures. Les gens ont commencé à avoir des droits. Et on dirait que cela a dérangé une partie de la classe moyenne, pas seulement au Brésil, mais dans le monde entier, qui n'accepte pas qu'il y ait de l'inclusion sociale. Oui, mais ce peuple de citoyens, comme vous dites, est devenu un peuple de consommateurs. Vous ne vous sentez pas un peu coupable de cela, d'avoir créé une société qui vit à crédit aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous contre la consommation? Je veux juste que le peuple ait chez lui ce que vous avez chez vous. Ce n'est pas être consommateur, c'est avoir des droits. J'ai le droit de travailler, j'ai le droit de m'habiller, d'avoir un logement, d'entrer à l'université, d'avoir accès à un portable, à un ordinateur, de prendre un repas le midi. Ce n'est pas le caprice de quelqu'un qui veut accumuler. Les gens n'accumulent pas, ils survivent. Je propose la chose suivante, que le peuple brésilien puisse consommer ce qu'il produit, qu'il puisse acheter ce dont il a besoin et qu'il puisse vivre dignement. Parce que sans consommation, il n'y a pas de société. Qu'il puisse comprar aquilo que ele precisa et qu'il puisse vivre dignement. Parce que sans consommation, vous n'avez pas de société. Quelle est la principale leçon que vous allez retirer de cette expérience quand vous sortirez d'ici? Laissez-moi d'abord sortir d'ici pour en tirer une leçon. Pour l'instant, je suis en train d'apprendre. Muito obrigado, senhor presidente. Merci, Luiz Inácio Lula da Silva, de nous avoir reçus pour cet entretien exclusif. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur France 24. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes? Ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Ou notre monsieur, ou notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir florissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Ou notre bon maître, ou notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'honneur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, ou notre bon maître, couvert de prêtres, ou notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? Il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le président de la République. Je trouve ça scandaleux. Il risque de brûler la République. Donc les quotas, c'est pour quand? Alors les quotas ou objectifs chiffrés, ben, ça sera l'été prochain. Je pense que c'est une vaste fumisterie. L'extrême droite, pour qui de toute façon, ça n'est jamais assez. C'est de l'incompétence. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu la foire d'empoigne. Comment Emmanuel Macron et Édouard Philippe font tout pour que Marine Le Pen soit au second tour de la présidentielle? Le drôle de jeu de la mairie de Paris avec le cimentier Lafarge qui étend ses installations en bord de Seine. C'est le sommaire du numéro 52 du Petit Coup de Bourbon. Avec un bonus, le making-of de ce rendez-vous hebdomadaire. 52 semaines, c'est un an d'émission. Alors on s'est dit qu'il était temps de vous montrer les coulisses du Petit Coup de Bourbon. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. C'était mardi à l'Assemblée. Marine Le Pen venait d'interpeller le Premier ministre sur les retraites. Et voici comment Édouard Philippe a commencé sa réponse. Vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question, dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre. Et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le président de la République. Peut-être. Je ne sais pas, je ne veux pas préempter ces moments. Vous avez bien entendu, Édouard Philippe est déjà en 2022. Tel Madame Irma, il nous annonce ce que sera le deuxième tour de la présidentielle. Macron contre Le Pen. Du moins, il le souhaite. Ah, l'épouvantail Le Pen. La dernière planche de salut pour un président de la République qui espère répéter le hold-up de 2017 sur l'électorat de gauche. Moi ou le chaos, c'est la pièce qu'on est en train de répéter sous nos yeux. Voilà pourquoi on agite tous les chiffons rouges depuis la rentrée. Voile, immigration, laïcité, terrorisme. Mais les artifices de cette mise en scène sont si grossiers qu'ils finissent par se voir. Le Premier ministre, en pleine séance de questions au gouvernement, institutionnalise déjà l'élection présidentielle de 2022 comme étant un match entre le FN et Macron. Je trouve ça scandaleux et totalement inapproprié et vraiment, je proteste avec la plus ferme autorité. Clairement, le président de la République joue avec le feu. J'ai dit au Premier ministre qu'elle jouait avec le feu, dans une sorte de jeu de rôle avec le FN. Et je lui ai dit avec gravité, il risque de brûler la République. Hier, mercredi, l'opération continuait. Entouré d'une batterie de ministres et sous-ministres, Édouard Philippe présentait les 20 mesures du gouvernement sur ou contre l'immigration. On ne sait plus. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Pour reprendre ce contrôle, le Premier ministre table notamment sur l'instauration de quotas d'immigration pour répondre aux besoins des filières professionnelles en tension. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait détaillé le procédé la veille devant le micro de Jean-Jacques Bourdin. On vérifie qu'on a bien fait d'abord tous les efforts de formation pour permettre à nos demandeurs d'emploi de prendre ces emplois et ensuite les réfugiés, si et en fonction des besoins complémentaires non couverts, on fixera le nombre de personnes. Les quotas, c'est pour quand ? Alors les quotas ou objectifs chiffrés, ben, ça sera l'été prochain. Mais il en faut plus pour impressionner Marine Le Pen. Je pense que c'est une vaste fumisterie, que ça n'est évidemment pas du tout à la hauteur de la gravité de la crise migratoire que vit notre pays, qui est par ailleurs ancienne, mais qui continue année après année, puisque vous le savez, chaque année nous recevons plus de migrants, chaque année il y a plus de régularisation, chaque année il y a plus d'immigrés légaux qui sont accueillis dans notre pays, malgré le taux de chômage qui reste absolument spectaculaire. Et donc je pense qu'il s'agit là de mesurettes qui, encore une fois, ne sont pas à la hauteur. Quant aux quotas, c'est l'arlésienne, hein. Ça fait des décennies que j'entends parler des quotas, moi un coup dans la bouche de la droite, un coup dans la bouche de la gauche. Ça consiste en fait à faire venir une immigration supplémentaire, c'est une nouvelle forme d'immigration. Et les Républicains sont sur la même ligne. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des plafonds migratoires pour l'immigration familiale, pour l'immigration universitaire, pour l'immigration économique et qu'il y ait une nouvelle politique de l'asile. Il faut réduire drastiquement l'immigration en France. Nous accueillons aujourd'hui trop d'immigrés en situation légale, trop d'immigrés en situation illégale. Nous n'avons plus la capacité à les intégrer. Second volet du plan gouvernemental, les restrictions d'accès aux soins. Les demandeurs d'asile devront attendre 3 mois avant de bénéficier de la protection universelle maladie, la fameuse PUMa. Quant aux sans-papiers qui peuvent solliciter l'aide médicale d'urgence après 3 mois de présence sur le territoire, ils n'auront plus accès à certains soins déclarés non urgents. Des dispositions qui sont jugées dangereuses sur les bancs de la droite comme ceux de la gauche. Vouloir instaurer un délai de carence de 3 mois, ça me semble totalement absurde parce que l'aide médicale de l'État pour les personnes en situation irrégulière, elle est basée sur 3 objectifs. Un objectif humanitaire, c'est-à-dire s'occuper de personnes en détresse, un objectif économique et un objectif sanitaire. L'objectif sanitaire, c'est de faire en sorte que les personnes malades, et notamment ceux qui ont des maladies contagieuses, puissent être traitées. Puisque vous m'interrogez sur l'aide médicale d'État, c'est une hérésie sur le plan sanitaire et c'est une hypocrisie sur le plan humain. Et le gouvernement sort de la pire des façons de ce débat sur l'immigration qu'il avait d'ailleurs très mal engagé. Et la position qui est celle du gouvernement, on verra le détail demain, me paraît mécontenter tout le monde. La gauche, les humanistes, qui voient piétiner un certain nombre de principes, et la droite, et surtout l'extrême droite, pour qui de toute façon ça n'est jamais assez. À courir ainsi derrière le FN, Macron voit sa majorité s'effriter. Certes, Gilles Legendre, le patron du groupe parlementaire de La République En Marche, célébrait l'unité de ses troupes. Le groupe adhère parfaitement à ce plan, à la préparation duquel, à l'élaboration duquel, il a pris une part active. Mais les voix discordantes ne prennent plus de gants pour s'exprimer. Nous, on est plutôt satisfaits quand même, l'aile gauche, qu'on parle enfin d'immigration économique. On disait toujours l'immigration, c'est l'asile politique, etc., c'est l'assistanat, c'est la fraude. Non, l'immigration, c'est aussi de l'intégration économique, c'est aussi des emplois, c'est aussi des gens qui cotisent pour nos retraites, c'est aussi des gens qui nous soignent, qui nous font à manger. Et il faut le dire, l'immigration, ça peut être positif pour un pays. Et moi, j'en suis, comme beaucoup d'autres ici, je crois, moi, je suis petit-fils d'un immigré italien qui est venu faire du boulot que les Français voulaient pas faire. Et c'est aussi la force d'un pays. Donc, parler d'immigration économique, honnêtement, enfin, je rappelle que le discours du président de la République ne parlait pas du tout d'immigration économique. Nous, on en a, avec nos tribunes, nos prises de position, on a dit, il faut en parler, c'est important de montrer qu'il y a un côté positif de l'immigration. Ça, c'est fait et honnêtement, on peut être satisfait de ça. Ensuite, le côté quota, évidemment, il y a un problème déjà sur le terme, parce que c'est un terme qui est très connoté Sarkozy et très connoté droite, donc on voit que c'est aussi des gages qu'on essaie de donner à un électorat qui, en plus, s'en moquera. Mais je pense que c'est irréaliste dans les faits. C'est-à-dire que dire, nous, une fois par an, ici, à l'Assemblée, que dans 10 mois, j'ai besoin de 8 plombiers en Vendée, ça me semble un peu compliqué, quoi. Je pense qu'il vaut mieux le faire plutôt au fil de l'eau, essayer de mettre en relation des demandeurs d'emploi et effectivement des employeurs pour que petit à petit les choses se fassent, quoi. Au-delà des frontières du groupe, on s'interroge également, comme François-Michel Lambert, ancien d'Europe Écologie Les Verts, rallié à Emmanuel Macron en 2017 et élu avec le soutien de La République En Marche. Il me semble absolument pas relever des valeurs que Emmanuel Macron portait lors de la campagne des présidentielles. Hein. Je rappelle que je le soutenais à ce moment-là. Depuis, j'en ai pris une distance, et notamment sur ce fait. Hein. On parlait d'intégration, on parlait de ne pas stigmatiser les autres entre le voile et entre maintenant peut-être des quotas sur l'immigration. On en vient à stigmatiser ce qui finalement faisait la force de la France, ce creuset rassemblant des gens venant de tous les continents. Coïncidence, ce jeudi matin, on apprenait qu'une importante opération d'évacuation de deux campements dans le nord-est de Paris avait débuté. Un millier de migrants ont ainsi été emmenés vers des hébergements d'urgence. Mais ces camps de la misère se reconstitueront tôt ou tard. Tout simplement parce que ceux qui les peuplent n'ont nulle part où aller. Tout le monde le sait, y compris le gouvernement. Qu'importe, l'exécutif aura affiché sa fermeté. Cela seul compte à ses yeux. Ce sera peut-être un des abcès de fixation de la campagne des municipales à Paris. La centrale à béton du groupe Lafarge-Holcim, installée sur la rive gauche de la Seine, à hauteur du pont Mirabeau. Une installation ancienne dont la concession s'achevait en 2017. On aurait pu penser que la ville de Paris, dont l'ambition écologique est proclamée, ne renouvellerait pas la concession en question. Pas du tout. Non seulement Lafarge reste, mais le groupe a obtenu d'augmenter ses capacités de production et de stockage. En novembre 2017, Anne Hidalgo a en effet accordé un permis de construire qui prévoit l'installation d'un second malaxeur à béton sur le quai. Les riverains se sont organisés en association. Ce projet d'extension accroît les nuisances existantes. Vous entendez déjà le bruit. Donc il y a la pelleteuse qui vient heurter la barge qui vient récupérer le sable pour remplir les trémies. Le fait de récupérer ce sable crée des poussières. Ensuite, il y a le malaxeur que l'on entend, qui était un gros moteur très bruyant. Et puis, il y a les camions toupies qui récupèrent le béton et qui doivent en 1h30 livrer, donc qui partent très vite. Et c'est une ronde de camions toupies incessante toute la journée. Voilà. Et puis, il y a la pollution de l'eau. Alors d'abord, les camions sont lavés. Donc ils sont lavés avec l'eau de la Seine et cette eau est évacuée vers la Seine. Il y a la laitance de béton qui est contenue à l'intérieur de la toupie qui est déversée dans le bassin de décantation. Parce qu'il n'y a pas que les camions toupies, il y a les camions de livraison aussi des matériaux de ciment, des adjuvants. Et il y a des poussières au moment où la pelleteuse arrache le sable de la barge. Ça fait beaucoup de poussière. Les riverains ont reçu l'appui de Danielle Simonet, la candidate de la France Insoumise, pour les municipales. Elle était sollicitée par l'association, comme tous les candidats, à la mairie de Paris. J'ai donc déposé un vœu pour demander que la ville de Paris remette en cause son permis de construire et abandonne ce projet de reconstruction de la centrale à béton. Au mois de juin dernier, donc le Conseil de Paris dit bah, finalement qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est à cause de Port de Paris, c'est à cause de la préfecture, c'est à cause du gouvernement, c'est pas nous, on va s'en préoccuper, promis, on va tout faire pour annuler le projet. Sauf que là, on se rend compte que les travaux commencent, qu'il y a eu des réunions avec Lafarge et la ville de Paris, mais qu'en aucun cas les riverains n'ont été associés, alors que c'était une promesse de l'exécutif parisien. Vous savez, dans ce quartier-là, vous avez beaucoup d'habitations, beaucoup de salariés, vous avez le parc André Citroën juste derrière, ce pont monument historique, enfin, je veux dire, c'est un lieu de promenade, de balade, c'est une aberration à tout point de vue. J'ai un peu l'impression qu'on est dans du greenwashing, parce que ils sont capables de dire « Ah, mais nous, on veut sortir du béton, bien sûr, on veut se préoccuper des enjeux climatiques et valoriser les matériaux biosourcés. » Puis dans le même temps, ils n'ont même pas regardé, surveillé le permis de construire, ne se sont pas opposés. Alors, c'est de l'incompétence ou il y a d'autres logiques oligarchiques d'intérêt entre eux. Nous avons bien sûr cherché à joindre le groupe Lafarge et Jean-Louis Missica, l'adjoint à l'urbanisme. L'agence qui gère la com de Lafarge nous a rappelé, mais n'a jamais fixé de rendez-vous avec un quelconque responsable. Quant à Jean-Louis Missica, il n'a jamais répondu à notre mail. Le groupe Lafarge est soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros à des groupes djihadistes entre 2011 et 2015 pour maintenir son usine de Jalabiya en Syrie. Ce qui a valu au cimentier d'être mis en examen pour financement d'une entreprise terroriste, violation de l'embargo et mise en danger de la vie de ses salariés. Décision justement confirmée par la cour d'appel ce jeudi. Ses relations avec les djihadistes avaient conduit le Conseil de Paris en 2017 à ne plus faire appel à Lafarge pour fournir le sable de l'opération Paris-Plage.